En Corée, la maison d'édition de l'industrie vient de faire paraître sa revue Architecture coréenne numéro 100. La revue présente sous diverses formes et méthodes les données sur la composition architecturale et les sciences et techniques, y compris les créations monumentales érigées à l'initiative et sous la direction du Parti du Travail de Corée. La revue permettra à rehausser la capacité créatrice et le niveau professionnel des architectes. Rappelons que la revue Architecture coréenne numéro 1 a vu le jour sous la direction méticuleuse du général Kim Jong-il. Il a fait paraître la revue du domaine d'architecture et donné des instructions jusqu'au détail sur la forme d'édition de la revue, le contenu, la forme et les papiers d'imprimerie.